je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground ? Qui l'a développé ? Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour et bienvenue, bonjour et bienvenue dans Ludologie saison 2, voilà c'est parti, alors, c'est parti avec des grosses saturations parce que cette année va être rock'n'roll, on commence avec des petits problèmes matériels qui sont indépendants de notre volonté, donc on va essayer de faire un son le plus correct possible tout au long de cette émission, ce qui n'est pas de la première évidence, mais assurez-vous qu'on fait de notre mieux pour que toute cette émission soit douce pour vos petites oreilles. Voilà, ça c'est pour le contexte, et puis pour le sujet, puisque bah, il est temps de parler de fond, après tout, c'est quand même le projet de Ludologie. C'est Adrien qui va vous donner un peu le thème du jour. Tout à fait, et avant de commencer, je vais peut-être parler de ma dernière lecture du moment. Le 17 septembre, donc, Ren Clark, game designer qu'on a découvert récemment avec le jeu Crypt of the Necrodancer, publié sur le site Gamasutra un billet passionnant intitulé « Comment faire un hit indé ». Dans ce billet, il recommandait par exemple de lister quantitativement et qualitativement les points forts de son projet de jeu, d'évaluer la viabilité commerciale de son projet avec des jeux similaires par exemple, et enfin de trouver comment décrire et promouvoir son jeu. Ces remarques pouvant s'appliquer sur tous les jeux vidéo donc, mais aussi jeux de rôle et jeux de société, nous permettent de poser une question qui est quand même un peu centrale dans l'idéologie où on s'interroge sur tous les jeux, c'est comment on fait un jeu de rôle. Et donc justement, ça donne le... Un jeu tout court même. Oui, un jeu tout court. Je pense tellement jeu de rôle en ce moment, tu as raison. Mais comment faire un jeu en partant du brouillon jusqu'au produit fini. Et pour en parler aujourd'hui, en face de moi, donc Maxime Houllier, game designer et aussi animateur de ce collectif un peu nébuleux qu'est West Indie Collective, dont est membre notre deuxième invité, donc Florent Berthelot par téléphone. Bonjour Maxime et Florent. Salut. Salut. Je te laisse peut-être, Manuel, faire la première question pour entamer les hostilités. Alors, on va commencer tout de suite avec des choses un peu légères. Pour faire un jeu, il faut commencer par avoir la première idée, la première étincelle. Ça vient comment ? On va commencer avec Florent qui est avec nous, mais à distance. Ben, j'ai envie de dire, faut toujours partir, je pense, de ses envies pour réfléchir à... Ça dépend après dans quel contexte on peut dire on fait un jeu. Parce qu'en soi, un jeu, on peut juste avoir envie de se lancer, de faire un jeu. Ou avoir un contexte autour, bah, exemple, pas une jam, et du coup avoir un thème qui t'aide à te lancer. Mais dans tous les cas, je pense qu'il faut partir de ses envies et de ce qu'on veut faire. Parce que si on... Un jeu, ça reste quand même un loisir, un plaisir à faire. Et il faut partir de quelque chose qu'on a envie de faire. Sinon, on va pas aller loin, je pense. Alors Maxime, qu'est-ce qui vient en premier ? C'est l'idée d'univers, c'est le récit qu'on a envie de transmettre, c'est une mécanique de gameplay qui nous donne envie de déployer un jeu dessus ? Ça, je pense que ça dépend vraiment des affinités de chacun. Si quelqu'un est beaucoup plus attiré par justement des mécaniques de jeu ou préfère plutôt raconter une histoire ou transmettre, une expérience, un sentiment au travers du jeu, donc. C'est vraiment très personnel et ça va dépendre justement, comme disait Florent, de ce que l'on aime, de nos goûts, mais donc nos goûts en termes de jeu, mais peut-être en termes de cinéma aussi, de film. Et c'est ces choses-là qui vont influencer évidemment le type de jeu qu'on va vouloir créer. Et après, la réflexion aussi, c'est on n'est pas forcément tout seul à créer ce jeu et c'est en fait un mix des goûts de chacun qui peut amener à donner naissance au thème du jeu, on va dire. Florent, tu évoquais le contexte. Tu parlais de Game Jam, etc. Et c'est marrant parce que moi je pensais que tu allais dire la différence entre les amateurs qui font des jeux voilà sur la scène amateur et les professionnels. Et justement, peut-être quelles sont dès le départ les différences clivantes et marquantes entre des jeux réalisés par les professionnels et des amateurs. Bah, moi j'ai envie de dire déjà, il y a peut-être l'envie de faire un jeu. En jeu, ça reste quand même de base un produit marketing pour certains. Donc il y en a qui vont faire un jeu autour de l'idée de le vendre. Alors c'est pas forcément le cas évidemment de toutes les professionnels. Il y a réellement des professionnels qui font par plaisir, hein, mais il y a quand même une idée de derrière vendre le produit. Il y aura peut-être moins dans la scène indépendante ou amateur où tu as réellement cette envie de faire plaisir à soi et aux joueurs, même si ça va être que 20 personnes dans le monde. Il y a aussi ce côté-là peut-être qui est plus présent évidemment dans la scène indépendante. C'est pour ça qu'on a des thématiques de jeu plus difficiles à appréhender souvent en tout cas dans la scène indépendante que sur des studios plus installés où on sent que les choses sont quand même conçues pour être directement des blockbusters si on veut. Ben c'est ça, c'est toujours compliqué de dire bon ben on va sortir un jeu sur telle thématique. Et bah c'est toujours pareil, si ça marche pas, bah du coup il y a pas d'entrée d'argent, etc. Je pense que c'est pas lié au coût du vidéo, ça marche aussi dans le cinéma. Il y a moins le plaisir, le goût du risque, quoi, dans l'idée de bon bah je vais sortir un truc et peut-être que ça va faire un bide, hein. C'est ça qu'il faut dire dans l'idée, je trouve. Toi Maxime, tu as été des deux mondes puisque maintenant t'es dans l'indé et avant t'es passé par des plus gros studios. Qu'est-ce que tu vois comme différence dans les processus de fabrication, dans les contraintes que ça génère? C'est quoi pour toi le plus marquant des deux côtés? Il y a quand même toute une phase de réflexion dans les grosses productions où il y a vraiment une phase de ce qu'on appelle de pré-production où on va vraiment limiter et permettre de dire où sont les limites en termes d'expérimentation, parce que même sur les grosses productions, ça reste une expérimentation, on a une idée générale et on va essayer autour de cette idée générale de faire le meilleur jeu possible, quoi, en ayant une certaine marge d'expérimentation. J'ai l'impression que le côté indé, c'est justement beaucoup plus de liberté en termes d'expérimentation, parce que c'est à la fois se faire plaisir, c'est aussi trouver son identité et se démarquer, parce que le problème de l'indé, c'est encore plus vrai de nos jours, c'est comment faire un jeu différent, comment avoir une personnalité, parce que l'idée c'est pas juste de faire un jeu je vais pas refaire tel ou tel jeu, et il faut se démarquer et c'est cette créativité et c'est explorer qui fait la grosse différence du jeu indé, je pense. Et donc on a évoqué le tout début quand émerge l'idée. Mais une fois qu'on a ces idées qui sont parfois un peu anarchiques, je pense quand on est un créatif justement, qu'on soit dans la sphère amateur, professionnelle et ensuite indépendante ou plus grosse production, par quoi il faut commencer quand on commence un jeu? Peut-être Florent Berthelot par téléphone. J'ai envie de dire, faut quand même se donner des limites. Comme de ce que redisait Maxime, je pense que c'est aussi vrai réellement, quelles que soient les productions. On a toujours tendance, et moi je le vois encore plus dans des productions courtes, genre du coup dans des jams, où réellement il y a un temps donné, donc 48 heures, une semaine, etc. pour faire un jeu. On a toujours tendance à vouloir faire des trucs, on va dire on va faire ça, à imaginer plein de trucs, mais à pas savoir ses limites, et du coup à ne pas avoir à la fin un jeu fini, ce qui est peut-être le plus gros danger, on va dire, de faire son jeu, c'est de toujours remettre au lendemain, toujours ajouter d'autres trucs, et de ne jamais avoir un produit fini. Donc je pense que c'est ça qu'il faut se mettre en premier dans l'idée, c'est jusqu'où je vais aller, jusqu'où je vais pousser mon expérimentation, l'idée que je vais donner autour du jeu, mais en donnant un cadre. C'est marrant parce qu'on retrouve ça chez un créateur bien connu pour ses promesses jamais tenues. Je parle de Peter Molyneux, qui est assez célèbre sur Fable et sur d'autres, sur Godus aussi, pour ses promesses. Peut-être justement, Maxime, toi qui as travaillé dans AAA, Comment ça se passe justement ce processus, ce basculement entre les idées foisonnantes et ça y est, on va faire ça, la gestion de projet assez classique au final? Je pense que c'est vraiment spécifique à chaque studio en fait. Ça va dépendre si y a la partie créative est vraiment détenue par une seule personne, ou si c'est plus quelque chose de collégial et de partagé, et même si y a la personne en charge de la direction créative qui va avoir le dernier mot, autour de cette personne va y avoir tout un groupe de personnes qui vont expérimenter et apporter leur propre idée. C'est vraiment d'autant plus important, je pense, pour que les équipes fonctionnent. Il faut que chacun ait ce sentiment de s'approprier le projet et de collaborer et d'apporter ses propres idées, et que c'est vraiment l'ensemble de ces idées qui vont faire le jeu, quoi. Et dans les bons studios, en général, on a des personnes justement qui vont faciliter cette discussion à plusieurs, et que un projet comme ça prenne forme. Et c'est toujours le danger en indé, c'est des gens qui n'ont pas ce recul là, et on a toujours généralement le porteur de projet, et c'est difficile d'inclure, on va dire, les autres personnes, les autres contributeurs, et qu'ils aient ce sentiment de vraiment participer et de collaborer, et que c'est pas juste là pour donner un coup de main. Pour toi, Maxime, c'est quoi la bonne taille d'équipe pour la création d'un jeu indé? Est-ce qu'il y a une bonne taille d'équipe? C'est une très bonne question. C'est difficile d'y répondre. Je pense qu'on s'en rend compte quand on participe à des game jams, des fois à deux ça va pas marcher, des fois ça va marcher, et à plus aussi. C'est le gros danger en fait d'avoir plus de personnes, c'est que du coup on est plus ambitieux, et que oui, il y a plus de gens pour produire des choses, on va dire, mais que toute la partie intégrer, assembler toutes ces choses faites par tout le monde, et que ça prenne forme, ben c'est quelque chose qu'on a du mal à évaluer sa difficulté, quoi. Je me rends compte que depuis tout à l'heure on évoque les jams. Peut-être pour nos éditeurs qui seraient pas très familiers avec ce format d'événements, est-ce que Florent, tu peux rappeler ce que c'est qu'une game jam? Alors une game jam, donc c'est un concept qu'on retrouve dans le jeu vidéo, mais aussi dans le jeu de société. Donc, c'est une forme assez différente. On va dire les game jams de jeux vidéo, c'est plus 48 heures, alors que les game jams dans le jeu de société, plus une semaine, on va dire, niveau nombre de jours. Dans l'idée, c'est il y a une thématique. Donc ça peut être une thématique qui a été décidée, par exemple, avec des votes sur Internet, c'est le cadre des Lubin Barré. Il y a une entité réellement mondiale qui le choisit, et après elle l'envoie à tous les sites dans le monde. Ça, c'est le cas pour la Global Jam. Il y a vraiment plusieurs différents moyens d'avoir une thématique. Et après, le but, c'est de se partir de cette thématique pour créer un jeu autour de cette thématique. Elle la respecte plus ou moins. Après, en soi, libre à chacun de faire un jeu qui correspond ou qui part complètement très loin de la thématique, mais c'est vraiment le point de départ, hein, et donc après de essayer de construire quelque chose autour de ce thème. Mais il y a quand même une liberté. Alors après, en soi, on peut se fixer d'autres limites, que ce soit, par exemple, je sais pas, il y en a quand il y aura une thématique, et en plus il se limite à utiliser qu'une manette pour jouer au jeu. Donc ça fait quand même des idées, que ce soit au niveau gameplay ou niveau histoire, qui peuvent être différentes. Donc c'est vraiment se rassembler. Alors ça peut être en ligne ou sur des lieux physiques, hein, dans l'idée, et créer un jeu à partir de ça. Donc on a réellement tous les profils qui vont à des jams. Ça peut aller réellement de l'étudiant à personne qui n'a jamais fait de jeu vidéo, mais qu'à côté de ça, elle adore écrire. Donc tout le côté narratif, c'est vraiment quelque chose qui la passionne. On peut avoir un game designer, des programmeurs, des musiciens, on a vraiment tous les profils qui vont à des jams. Et Dans une game jam, on a assez peu de temps, on n'a pas nécessairement de compétences techniques de codage qui reste quand même un point d'achoppement important pour les pour la fabrication. Il me semble qu'on a vu certaines game jams où des participants commençaient à proposer d'autres formes de jeux, notamment du jeu de société. C'est quelque chose par lequel il vous est arrivé de passer un et l'autre de travailler justement sur du jeu en mode papier, carton, ciseaux avant de vouloir attaquer réellement l'écran. Bah, en soi, c'est l'avantage du papier ou du crayon, c'est simple à faire et à prototyper un jeu. C'est vrai que c'est vraiment pas mal, surtout qu'il y a même un certain nombre de jeux vidéo, évidemment pas forcément tous, mais il y a certains qui peuvent se transposer du papier ou au jeu vidéo ou l'inverse. On a vu ça comme ça en jam, une équipe qui ne s'en sortait réellement pas à faire son jeu vidéo, qui a dit bah en fait on va le faire mais version papier. Genre moitié de jam, au bout de 24 heures, ils se sont dit, bah, en fait, on fait version papier, et ils ont à la fin sorti un jeu, mais donc un jeu de société. Donc comme quoi, c'est des univers certes différents, mais on retrouve quand même pas mal de liens entre les deux. Maxime, toi, t'as une pratique du jeu de société comme support de game design. On a plusieurs fois eu des invités qui nous disaient qu'effectivement, finalement, les gens dans leur entourage qui étaient les plus pointus sur la conception de game design, c'était des gens qui s'intéressaient d'abord aux jeux de société et qui justement étaient sur des mécaniques très simples où on n'avait pas à se préoccuper du rendu graphique, on n'avait pas à se préoccuper de la complexité technique en termes de codage, de création. Du coup, on arrivait à vraiment quelque chose d'assez épuré. Personnellement, moi, je suis plus juste un simple joueur, on va dire, de jeux de société. J'ai pas trop eu à concevoir de jeux de société. C'est arrivé qu'on en discute parce que des fois donc on est au bar de jeux de société de Rennes, c'est l'heure du jeu, et donc on est amené des fois à rencontrer aussi des concepteurs de jeux de société. Donc ça arrive qu'on essaye des prototypes et qu'on en discute et des choses comme ça. C'est probablement intéressant, mais c'est vrai que je me suis pas trop posé la question, dans le sens où moi les jeux sur lesquels je joue, que je cherche plutôt à créer, c'est des jeux qui sont plus dans la mécanique de jeu, mais pas dans les chiffres. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est moins abstrait. Ça, tu veux dire, c'est que c'est très démonstratif. Oui, oui, oui. C'est vraiment plus dans le gameplay. C'est pas dans le. Ah, oh, tu. Ouais, je. Ouais, non, mais ouais. Dans les trucs compliqués. Non, ouais. Gameplay, dirait. Mais, que mais du coup. Non, dans le sens, oui, dans le sens maniabilité, dans le sens contrôle et des choses comme ça. Pas forcément dans le mettre en place des règles chiffrées, moi je suis plus dans des jeux, on va dire, d'action, on va dire, peut-être. D'accord. Donc du coup, c'est vrai que les jeux de société s'approchent plus peut-être des jeux un peu plus stratégie. Bon, après je réduis. Ouais. T'as jamais été tenté de reprendre ou en tout cas de t'inspirer d'une mécanique que t'as vue dans un jeu de société ou de jouer à un jeu de société, de te dire ouais, cette mécanique là elle marcherait bien pour mon jeu là. Ça veut pas dire c'est pas une obligation. J'essaie de me rappeler, mais je me suis jamais trop rapproché de jeux de cartes ou de jeux de société en général. Mais même si j'adore y jouer, hein, c'est juste que oui, en termes de jeu, c'est plutôt des expériences assez différentes, quoi. Alors on a évoqué donc la game jam, donc on a rappelé ce que c'était. Mais revenons à notre sujet, donc la création de jeu du brouillon au produit fini. Quand qu'on a commencé à défricher et qu'on s'est posé des limites, quelle est un peu la feuille de route pour une équipe ou un game designer? Florent, toi peut-être, sur les jams auxquels tu as participé, quelle était ta feuille de route en tant que game designer? La feuille de route, on va dire, c'est faut avoir l'idée du game design, enfin vraiment du design du jeu, mais de façon assez méta, j'ai envie de dire. C'est vraiment en soi, combien j'ai de level, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est un monde, enfin comment on ressent mon monde ou l'univers dans lequel je suis. Donc déjà, il faut avoir une vision, on va dire, assez globale du jeu ou de l'univers qui est autour. Et c'est après que je pense qu'il faut aller dans les différents, par exemple, levels qu'on peut avoir notre jeu. Mais toujours pareil, garder en mémoire ce qu'on a fait de façon globale pour pas être en conflit avec ou garder pour le avoir un enchaînement, on va dire, de qui soit fluide et qui soit intéressant et sympathique à jouer sur le même problème. Donc il faut une sorte de bible qui va permettre de garder le suivi tout au long de la production du jeu. Moi, j'ai pas forcément une bible, parce qu'en soi, une bible, ça fait un peu genre le saint livre qu'on ne touche pas, alors que je pense que si on se rend compte que quelque chose ne va pas, ou il y a quand même largement mieux de le faire, je pense qu'il faut pas hésiter à tester et à changer des trucs. Mais faut garder dans un coin quand même l'objectif final et l'avancement de ce qu'on veut faire pour pas, comme on dit à chaque fois, se perdre dans un chemin alors que c'était pas du tout le but originel et à se retrouver à dévier complètement de son objectif et à perdre du temps et à toujours problème ne pas avoir à la fin un jeu fini ou bien. Pour se donner une idée des échelles de temps, parce que ça me semble important justement dans cette idée de pas perdre de vue d'où on vient et où on va, c'est combien de temps en moyenne en production dans les exemples que vous connaissez, Maxime et Florent, c'est combien de temps en moyenne de production à un jeu entre l'idée, le projet originel, la première fois que quelqu'un vous en parle à West Indie Collective, et le moment où ça y est, c'est fini, on le met en ligne, on le sort, hors Game Jam, parce que j'entends bien que c'est une temporalité tout à fait spécifique, mais en règle générale, pour des projets un peu consistants, Maxime. Bon, évidemment, d'un projet à l'autre, ça peut pas mal varier, mais on va dire que l'ordre de grandeur, ça va être en général au minimum un an. Au maximum, il y en a qui sont toujours pas sortis, mais non, je pense que vraiment pour une équipe, parce que bon, même si en général il y en a qui vont être, va y avoir un gros porteur de projet, même s'il sait tout faire, des fois il a quand même des coups de main de temps en temps, donc ça reste quand même des collaborations souvent. Ça va aller jusqu'à peut-être deux ans pour des gens qui ont déjà un peu de l'expérience et des choses comme ça. Là, il y a certaines équipes sur le West Indie qui ont déjà, on va dire, fait des jeux en amateur, et là, ils se lancent en gros sur leur premier gros projet, on va dire, professionnel. Et ouais, c'est entre 12 et... Enfin, un an et deux ans, quoi, à peu près. Pour sortir le jeu, on va sur... Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, en ce moment, le sortent plutôt d'abord sur PC, et après, des fois, vont essayer de toucher peut-être Alors il y en a soit sur console, puisqu'il y a maintenant Microsoft et Sony qui essayent d'avoir de l'indé aussi pour se différencier, mais sinon aussi d'aller toucher évidemment, on va dire, du tablette ou du téléphone mobile. C'est intéressant cette question de temps, parce que moi je sais qu'un de mes jeux préférés, c'est Fez, qui a mis, je crois, 5 ans à se faire, et qui a été Phil Fish, son concepteur, a refait plusieurs fois les graphismes, je crois que c'est... 4 fois. Quelles sont les difficultés qu'on rencontre sur des temporalités comme 1 ou 2 ans comme ça de création de jeu, Florent, peut-être sur ce point. Bah, déjà, parce que je pense que l'exemple de Fez est assez bien choisi, c'est que du coup en soi sur ce jeu ils étaient que 3, un musicien, un programmeur et donc Phil Fish pour le côté design. Et quand tu as quelqu'un qui a une personnalité très forte comme Phil Fish, et Renaud Bédard, le programmeur, le disait lui-même, c'est pas forcément simple donc de travailler avec quelqu'un, et c'est toujours difficile, et ça peut poser du coup des problèmes qu'un jour le projet capote parce que évidemment humainement ça ne passe plus. Donc c'est vrai que quand tu es avec quelqu'un pendant 1 ou 2 ans, c'est quand même pas mal en soi dans l'idée. Donc c'est le truc qu'il faut, je pense, faire. Enfin, ça peut arriver, on va dire. Et après le temps, 1 ou 2 ans, c'est quand même, dans l'idée, c'est quand même assez court, hein. Faut se dire, pour faire un jeu, on voit ça qu'il y a certains projets qui dépassent, enfin je sais qu'il y a un projet au Sunfest, enfin, qui vient régulièrement au Sunfest, qui a dépassé, je crois qu'il doit être à 5 ou 7 ans, Mais bon, ils sont en soi amateurs, ils font ça sur leur temps libre. C'est aussi ça la différence avec suivant les projets. Il y en a qui font ça du coup évidemment à plein temps et d'autres non. Donc c'est vrai que les temporalités de la durée de jeu peuvent vraiment dépendre d'un projet à l'autre, suivant l'organisation autour de la création de ce projet. Je vais peut-être sauter un peu du coq à l'âne, mais ce que tu me racontais, notamment les temps de création, me faisait penser à quelque chose qui peut avoir l'air un peu différent, quoique. Je vais parler pognon, parce qu'à un moment, ça reste quand même une donnée nécessaire, surtout quand on parle de projet de 12-18 mois, faut bien vivre, effectivement. On parle de gens qui travaillent dans le milieu du jeu et qui, du coup, en font leur métier, ou de gens qui le font à côté, c'est toujours pas les mêmes complexités. Qu'est-ce que le crowdfunding a changé dans le paysage, dans la conception, dans la façon de travailler sur les jeux indépendants? J'imagine qu'avant, on y allait avec à peu près rien, alors que maintenant on peut avoir travaillé un mois et commencer à avoir du financement pour ensuite s'assurer un revenu, ou en tout cas une manne qui permet d'avancer, avec aussi la limite de, on commence à prendre des engagements en termes de durée. Ça doit changer un peu des choses, tout ça, Maxime? Ouais, bon, la question du crowdfunding est assez complexe parce que ça a vraiment changé au cours de ces dernières années, donc avec l'explosion Kickstarter. Et là, on est dans une phase un peu compliquée pour les très petits projets, parce que justement, il y a eu cette vague de gros, on va dire, même si c'est des studios, on va dire, indépendants, parce qu'ils sont pas dépendants de gros éditeurs, des gros studios américains qui ont obtenu plusieurs millions sur le Kickstarter pour faire des jeux. Et même ces gros projets avec beaucoup d'argent n'ont pas forcément donné des résultats très satisfaisants pour les gens qui avaient supporté les projets. Et du coup, je pense qu'il y a eu une certaine lassitude aussi dans la plateforme. Et que ça a été abusé probablement, et qu'il y a des problèmes de visibilité comme sur toutes les plateformes. Là, on pense souvent aux plateformes de vente, mais là, les plateformes de crowdfunding, il y a aussi un problème de visibilité qui est présent. Et franchement, c'est une campagne de crowdfunding, ça demande énormément de temps en fait, d'investissement. Et pour les toutes petites équipes, clairement sur la région, il y a très très peu de gens qui se sont risqués à faire du crowdfunding. Ah, et puis je te sens pas du tout convaincu en plus par le principe. Si, moi j'ai backé énormément de projets, mais c'est juste que les gens des fois ne se rendent pas compte en fait de l'investissement que c'est. Et que en plus la façon dont maintenant est fait la vision qu'ont les gens de Kickstarter, c'est pas du mécénat comme ça pouvait un peu l'être, c'est de la précommande. Oui. Et ça, je pense que c'est dommage, parce que les gens perdent et Kickstarter essaie de remettre ça en avant, dans le sens où on n'achète pas un produit fini, on risque, on va dire, de l'argent sur une idée, quoi. Et du coup, vu que les gens ont perdu cette visibilité de mécénat, de prise de risque, maintenant, pour faire un Kickstarter, il faut une version jouable, limite une démo en multijoueur ou je ne sais quoi, enfin j'exagère, mais c'est les gens ne backent plus juste une idée, quoi. Et il faut limite un pédigré, dans le sens où limite, ah oui, alors moi j'ai fait tel jeu, j'ai fait telle chose, lui, enfin, et ça a perdu ce rôle de révélateur, ouais, hein. De révélateur, et de soutenir des idées un peu folles, quitte à ce que ça se plante. Bon, mais et du coup, c'est, ouais, il y a vraiment ce côté pré-vente que je trouve vraiment dommage, quoi. Et puis finalement, c'est une approche assez semblable à celle d'investisseur, c'est-à-dire qu'effectivement, savoir ce que la personne avant a réalisé un certain nombre de choses, ça peut rassurer. Et puis j'imagine Moi, j'ai l'impression que la présence des artworks est quelque chose d'assez d'assez mis en avant. Alors, c'est vrai en jeu de rôle, je pense que c'est vrai aussi en jeu de société et dans une certaine mesure en jeu vidéo. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut faire rêver. Donc ouais. Ça, c'est donc avec des visuels, c'est sûr que, enfin, il en faut sous une forme ou une autre. Ça c'est sûr. Et ça, c'est compréhensible. Hein, mais ce que je trouve dommage, c'est que les gens le perçoivent plus, comme je veux avoir mon jeu, et que les gens se plaignent que le jeu qui est mis en avant au début, qui est juste à l'idée de concept, puisse changer au cours de son développement. Il y a un problème d'éducation en fait par rapport aux gens qui vont participer à soutenir un jeu financièrement. Très très concrètement et très cyniquement, d'une part, comment réussir son crowdfunding et combien ça coûte de faire un jeu. Alors c'est une question qui est très très vaste. Hein. Je m'excuse d'avance. Vous verriez les yeux que Maxime nous fait. Il est paumé là. On lui dit, mais qu'est-ce que je suis venu faire là. Peut-être Florent qui à l'autre bout du fil qui peut peut-être nous répondre. Alors pour la question donc déjà du financement, ça va vraiment dépendre des projets. Donc là, c'est vrai que c'est difficile à dire. Suivant le nombre entre guillemets de personnes qui travaillent sur le projet, et si on considère qu'on veut y travailler tout son temps, donc là évidemment ça peut coûter assez cher vu qu'en soi faut bien manger, etc. Donc c'est ça en fait, on se rend pas compte, mais c'est ça, c'est là où va la plupart de l'argent, c'est juste à faire vivre les pauvres développeurs qui vont ou créateurs qui vont faire le jeu. Après, pour la réussite du crowdfunding, je pense que c'est le même problème quand on a notre jeu qui est sur une plateforme type toutes les plateformes, que ce soit console ou PC, où il y a X mille jeux qui sont présents, il y a au moins 10-15 jeux qui sortent en même temps sur la plateforme, on va dire les Kickstarter qu'il y en a par jour, il y en a quand même des tonnes aussi, les Kickstarter ou autres sites de crowdfunding. Et c'est toujours réussir à se démarquer, donc c'est ce que vous avez dit, via des vidéos de présentation, des artworks, enfin réellement avoir quelque chose qui donne envie. Après oui, il y a le CV entre guillemets du développeur, mais je pense qu'on peut réellement, en étant un illustre inconnu, si on a une idée, un gameplay qui est intéressant, donner envie, alors peut-être pas évidemment à tout le monde, mais assez pour réussir son projet. Après, c'est pareil aussi, ça dépend combien de sommes on demande. Est-ce que ça semble viable en soi de demander autant, peut-être, parce qu'il y a certains, ils envoient souvent des projets qui peut-être demandent trop. Alors évidemment, c'est leur réel peut-être coût de production du jeu, mais est-ce que faire financer son jeu à 100% par crowdfunding, dans la plupart des cas, comme disait Maxime, n'est pas forcément possible. Sur les studios en Bretagne, donc on disait, il n'y a pas beaucoup qui font du crowdfunding, et souvent ils font des actifs. Enfin, pour certains qui bossent vraiment, qui sont professionnels, qui sont à 100% dans la production de jeux vidéo, ils font à côté des trucs, des productions qui leur ont été commandées, plus que pour gagner un peu de l'argent et après pouvoir mettre de l'argent dans la production d'un jeu qu'ils ont réellement envie, qui leur tient à cœur, qui est clairement une production de leur part, quoi. Donc, du travail alimentaire. C'est ça. Maxime qui rigolait à ma question. Non, mais c'est surtout de l'idée qu'il y a une recette magique aussi par rapport à comment réussir son crowdfunding ou même son jeu. On se rend compte qu'il y a quand même une grosse part de chance, et que on peut passer à côté de quelque chose de très bien, si même en ayant un peu toutes ces caractéristiques normalement qui font que ça marche, on peut quand même se rater. Après, moi, ce que je reproche aussi, c'est qu'on se rend compte que ce qui marche, c'est justement pas forcément les choses innovantes, mais c'est plus les projets qui font appel à un côté un peu nostalgique. Et du coup, Bon, c'est là où je trouve que les plateformes de financement ne jouent pas le rôle qu'on espérait qu'elles aient. Je pense, en termes d'innovation et de créatif, on passe à côté et qu'il y a beaucoup de jeux au final. Mais bon, ça, c'est le problème n'est pas aux créateurs, c'est vraiment le public qui, au final, est rassuré par des choses familières. Donc, on a joué à tel jeu et tel jeu, et quand quelqu'un présente un projet qui dit ah oui, je mixe ces deux types de jeux, ben. Là, ça nous rappelle des choses, des jeux fun auxquels on a joué. Et du coup, ce type de jeu, quoi. Quand c'est un jeu différent et innovant, vu que c'est un peu l'inconnu, c'est vrai que ça résonne pas en nous et peut-être qu'on va plus hésiter évidemment à investir. Est-ce que de ce point de vue-là, Steam fonctionne mieux parce que dans Steam, il y a des systèmes de curation par des groupes, par d'autres joueurs. Il y a l'early access aussi. Ouais, il y a les early access. Il y a un certain nombre de fonctions qui font que. Et puis là, c'est des jeux en place, c'est des jeux jouables directement. Effectivement, on n'est pas en train de précommander une idée. J'imagine que les modes de consommation sont pas les mêmes non plus. Par rapport à Steam, je pense que ça marche mieux pour découvrir quand même les jeux. Mais c'est difficile de se rendre compte à quel point, même si là on a de plus en plus de statistiques, en fait il y a quelqu'un maintenant qui récolte en fait les statistiques des jeux sous Steam, et donc on a quelques statistiques, mais il y a toujours cette problématique de je sais pas si combien de jeux vous avez sous Steam personnellement. Moi j'en ai probablement 150 ou quelque chose comme ça, et j'ai bien 100 jeux auxquels j'ai pas joué. Donc on peut avoir des statistiques de vente ou même de jeu, mais à quel point ça prouve que le nouveau système de découverte de jeux fonctionne. C'est vraiment une question compliquée. Je sais pas si Flo a quelque chose à. Moi je vois un autre problème actuellement qu'on voit dans le jeu vidéo en général, c'est tout le système de bundle. On entend pas mal parler, donc il y en a beaucoup actuellement sur le marché, Humble Bundle ou autre. Et les gens avec ce système-là, et c'est en partie un problème, c'est qu'ils n'ont la notion en fait de combien entre guillemets pour eux valent un jeu et combien ils paieraient pour un jeu. Ça casse toute l'échelle sur les jeux. Donc on arrive à des gens qui vont acheter que leur jeu en bundle, en promo, et qui vont plus se dire je donne de l'argent, ça va au créateur et c'est bien pour lui. Alors là, par exemple, sur Steam, il y a environ 30% qui va à Steam, quand même pas négligeable, mais derrière, quand même le créateur qui va gagner l'argent. Donc ça, ce problème-là fait qu'il y a toujours pareil, c'est un peu de la com, on va dire, c'est que le fait d'être dans un bundle, etc., fait que les gens vont acheter votre jeu parce qu'il est dans le bundle, et le bundle est à tant d'euros avec, je sais pas, 4-5 jeux. Après, entre quelqu'un qui, je sais pas, 10 personnes qui achètent le bundle et 10 personnes évidemment qui achètent votre jeu au prix fort, entre guillemets, sur Steam, c'est évidemment pas la même échelle. Donc c'est vrai que c'est toujours compliqué de savoir réellement ce qu'a gagné ou pas un développeur avec les ventes d'un jeu, avec les différents maintenant moyens d'en avoir. L'autre problème sur Steam, c'est ce qu'on disait, c'est le nombre, on va dire, de jeux indés. Avec maintenant, il y a eu donc le Steam Greenlight, qui est entre guillemets, vous votez là beaucoup pour des idées ou des gameplays de jeux, donc avec des démos jouables ou pas. Et si il y a X personnes qui trouvent que ce jeu est sympathique, et il a l'autorisation de pouvoir sortir sur Steam après, sachant que le développeur de base a payé $100 pour pouvoir mettre son idée, je précise, sur Steam, hein, ce qui est déjà pas donné, et peut-être avoir entre guillemets la chance de pouvoir sortir du lot, parce que c'est ça actuellement le problème sur Steam, c'est qu'on a beaucoup de jeux qui sortent par jour, et c'est toujours difficile de réussir à sortir du lot. Donc oui, il y a le système de curator, donc peuvent être par des sites connus ou des gens connus qui aident aux ventes, mais c'est toujours déjà difficile de se faire voir, même par, je pense, les journalistes. Je pense qu'il y a tellement de jeux qui sortent que c'est difficile d'avoir des avis sur son jeu. Alors, il y a des sites spécialisés, mais ça reste, je pense, compliqué. Alors, pour rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'univers du jeu PC, donc Steam est une plateforme donc d'achat de jeux PC. Donc c'est l'archi dominant sur ce marché. Il y a des concurrents. On a parlé effectivement de Humble Bundle, donc qui propose donc des packs de plusieurs jeux avec un certain pourcentage qui est reversé à des fondations de charité, d'éducation aux jeux, etc. Mais qui propose aussi des ventes de jeux directes. Avec un peu comme Steam ses soldes, hein, comme il y a des soldes pour les vêtements. Et il y a des nouveaux arrivants. Il y a, je pense par exemple à Itch.io qui arrive. Il y a aussi Good Old Game. Voilà, il y a plein de petites plateformes qui sont en train de se diversifier sur l'achat de jeux et aussi de films, de documentaires, quand même de séries filmées autour du jeu vidéo, mais aussi des petites tentatives au-delà du jeu. Du fan du jeu vidéo. Qu'apporte justement cette concurrence à Steam, au géant Steam, Maxime peut-être, ou Florent, selon Maxime. C'est intéressant, mais ouais, comme tu le disais, tu le rappelais, Steam, c'est un peu le seul gros important, on va dire, grosse plateforme au niveau PC. Enfin, quand je dis PC, c'est en fait c'est desktop, donc c'est-à-dire PC, donc c'est Windows, Linux, Mac. Et honnêtement, oui, on en tant qu'indé, si on veut vendre un jeu, il vaut mieux être sur Steam, ça c'est sûr. Itch.io a une offre qui est intéressante, et c'est en fait la multiplication des plateformes fait que il y a des plateformes qui vont chercher à se différencier. Donc chacun va avoir un peu ses spécificités. Donc Good Old Games était vraiment orienté essayer de redonner vie aux jeux rétro. Et Humble Bundle, donc à la base, est autour de justement d'avoir ces bundles, mais ils ont maintenant un store qui est exactement la copie presque conforme, on va dire, de Steam. Sachant que ces stores, certains stores alternatifs, on parle de Itch.io et de Humble Bundle, en fait, fournissent des clés Steam. Donc ils vendent en fait des clés Steam. Donc derrière, on se retrouve de toute façon ramené à la plateforme Steam. Généralement, quand on achète un jeu, les deux choses, c'est soit il va être ce qu'on appelle sans DRM, soit il va être attaché à une plateforme, et souvent cette plateforme, ça va être Steam. Après, il commence à y avoir aussi des plateformes qui vont être spécifiques à des gros éditeurs. Donc, je pense à EA, Ubisoft, des choses comme ça, qui ont leur propre plateforme avec DRM. T'expliquer ce que c'est qu'un DRM pour nos auditeurs? Alors, le DRM, en gros, c'est juste que, sans connexion Internet, en général, on va pas pouvoir jouer au jeu. Et c'est que, en fait, il faut se connecter avec un compte lié à la plateforme pour jouer au jeu. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui pose problème, on va dire, sur le long terme, ou suivant certaines contraintes de connexion, en termes de le jeu, en fait, n'est pas un produit comme à l'ancienne où on le possède, mais plus presque un service qu'on consomme en se connectant à une plateforme. Avec tout ça, on a parlé de l'idée originale, de l'équipe, du temps de développement, des opportunités financières de vente ou de financement en cours de production. Reste une question quand même qui est pas négligeable dans la conception du jeu, c'est la technique. Moi, j'ai une idée de jeu, j'y connais rien du tout en technique, je ne sais pas coder, comment je m'y prends? Alors, pas moi, parce que moi j'ai trouvé une solution, j'ai créé du jeu de rôle, ce qui me simplifie considérablement la vie, j'ai pas besoin de coder, mais ça reste quand même un écueil encore quand on veut créer des jeux si on n'est pas déjà développeur ou si on n'est pas déjà dans le milieu à la base. Florent, peut-être? Alors, J'ai envie de dire, ça dépend déjà de la plateforme, parce qu'évidemment, suivant les plateformes, a cette spécificité. Mais actuellement, il y a peut-être un logiciel qui sort du lot pour réellement, je pense, faciliter la création de jeu. C'est la plateforme Unity, qui est donc une plateforme pour, entre guillemets, aider à faire son jeu et à simplifier, ce qu'on disait, toute l'intégration des briques, des levels, des éléments de modélisation des personnages, etc., essayer de simplifier tout ce côté-là. Donc après, il y en a d'autres qui existent, mais c'est vrai que celle-là est peut-être la plus connue actuellement. Je vois par exemple d'un créateur français de vidéos. Donc c'est quelqu'un qui bosse dans l'animation chez DreamWorks. Il avait, il y a 15 ou 20 ans derrière lui de DreamWorks. À côté de ça, il connaissait rien à la programmation. Et du coup, avec ça, il a pu s'y mettre et vraiment créer son jeu, à se concentrer que sur son domaine de spécification, qui est l'animation, quoi, et tout, la modélisation de personnages. Et tout le côté vraiment création du jeu, etc., assembler les briques, ça l'a aidé. Après, toujours le problème d'utiliser un outil comme celui-ci, c'est qu'on n'est quand même pas forcément la main mise complètement sur tout ce qu'on peut faire. Donc, on est quand même un peu forcé d'utiliser certains trucs ou les fonds moyens, mais ça reste plus compliqué. C'est vrai que je vois par exemple pour les programmeurs de base, ceux réellement qui sont de base dans l'informatique, ont souvent tendance à ne pas utiliser leur logiciel parce que évidemment ils veulent tout personnaliser, améliorer les performances, etc., que ne permettent pas ce genre d'outil. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas forcément la connaissance de la programmation, ça permet, je pense, un bon pas en avant et pour commencer. Maxime, qu'est-ce qui fait que Unity, c'est selon Florent, alors je ne sais pas si tu partages la son avis, mais c'est la meilleure plateforme pour développer un jeu si on ne sait pas coder. Je serais pas aussi Unity, je pense, un très bon outil pour développer un jeu. Après, je pense qu'on a quand même rapidement besoin, on va dire, de coder un petit peu. Par contre, il faut se rendre compte que Unity, c'est un outil, mais derrière, ils ont ce qu'ils appellent un store. Donc, en fait, en ligne, les gens peuvent faire des créations dans Unity, des petites briques, des petites scénettes ou justement des fonctionnalités, des comportements d'entités ou un peu n'importe quoi, et le mettre à disposition gratuitement ou payant au travers de ce magasin de contenu. Donc du coup, on peut réutiliser justement toutes ces petites briques, ces petites scénettes, ce contenu mis à disposition par d'autres pour pas forcément faire son jeu, mais disons permettre de découvrir et d'essayer en customisant un peu ce contenu pour coller au jeu qu'on souhaiterait faire. On peut vendre des petits bouts de game design, quoi. Exactement, mais ça peut être des game design, mais ça peut être juste du contenu. C'est dans le sens, ça peut être un mesh 3D, enfin un environnement par exemple. J'ai fait une maison. Ça peut être j'ai fait une intelligence artificielle. Ça peut être même des fonctionnalités un peu plus poussées, genre j'ai fait quelque chose qui gère des particules ou du fluide ou des choses comme ça. Enfin, on peut mettre à disposition diverses choses. Ah, ça c'est assez puissant quand même pour quelqu'un à nouveau comme moi qui n'a aucune notion de code. En apprenant à chercher, après, on doit. Après, ce qu'il faut voir, c'est que c'est ce contenu qui est mis à disposition. Des fois, c'est des gens qui font ça, qui sont amateurs. Ou pas, il y en a certains qui sont professionnels, mais donc la qualité en fait de ce contenu qui est mis à disposition, que ce soit gratuitement ou même payant, peut être assez variable. Donc il y a un système de commentaires, on peut voir ce que les gens ont dit par rapport au contenu, ou c'est possible généralement de prendre contact avec le créateur aussi. Enfin, ils essaient de mettre en place un système pour permettre de jauger un peu ce que le contenu va être et si ça va m'apporter quelque chose ou pas. Alors, t'avais l'air d'avoir des remarques à faire sur la facilité de Unity. T'avais l'air de faire une moue en disant il y a peut-être d'autres logiciels qui sont plus simples. Non, en fait, moi, c'est ma remarque, c'est vraiment plus par le côté la partie code, parce que je pense que quand même Unity, à une partie abstraction ou justement qui n'a pas besoin de code, qui est intéressante, mais qui est plus une partie, on va dire, intégration. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui s'occupe du son, j'ai quelqu'un qui s'occupe des sprites, j'ai quelqu'un qui s'occupe de faire le décor ou des choses comme ça. Bon, bah, il facilite énormément l'intégration de tous ces éléments. Mmh. Mais par contre, pour mettre en place des mécaniques de jeu, des choses comme ça, on a quand même rapidement besoin de les décrire au travers du code. Il n'y a pas d'éditeur, on va dire, de logique visuelle comme des outils. Bah, on évoquait un petit peu avant l'émission Scratch, où là justement c'est un outil qui est développé par, je crois, c'est le MIT. Ouais. C'est bien ça. Ouais. Et du coup, là, on peut décrire en fait la logique avec des éléments visuels, des blocs, et on décrit les mécaniques de jeu justement sans coder, mais en fait en codant mais avec des briques. C'est un peu ça. Donc il y a des choses comme ça, mais Unity reste quand même relativement intéressant parce que il y a une grosse communauté aussi, hein, donc dans le sens où il va y avoir énormément de gens qui vont potentiellement proposer des tutos, des tutoriaux et des exemples de choses qu'on peut trouver facilement sur Internet. J'ai une autre question pour Florent. Puisque quand tu évoquais Unity, je me suis dit, alors est-ce que est-ce que Unity est un de ces fameux moteurs de jeu dont on parle parfois dans la presse spécialisée en jeux vidéo? Alors oui, mais il y a un moteur donc de jeu, enfin c'est un moteur en jeu en sens qu'il a, il fournit tout un système de physique, etc. Présent dans le moteur, donc dans Unity. Après, comme on disait, il y a un certain nombre d'ensemble de paramètres de base. Bah, au moteur de jeu, ça peut être des trucs liés à la gravité, sur des paramètres qu'on peut choisir, etc. Tout ce qui est mouvement de personnage, en soi, il y a des trucs qui sont pré-inclus. C'est vrai que, comme on disait, bah, dès qu'on veut faire peut-être des trucs, des gameplays assez assez particuliers ou qui demandent réellement beaucoup plus de choses à écrire, à coder, bah, ça sera peut-être pas forcément de base dans le logiciel, mais bien qu'il y a quand même beaucoup de choses. Donc bah, là, il faudra peut-être mettre la main à la pâte dans le code. Par exemple, moi, je pensais surtout, en tout cas, les joueurs PC sont souvent habitués à citer le moteur source, je crois, donc le moteur du jeu Half-Life. En gros, c'est quoi ce fameux moteur? Bah, les moteurs de jeu, c'est réellement comment l'univers dans lequel on va créer notre jeu fonctionne. Donc, ça va être la gravité, ça peut être donc le rendu de certains l'aspect graphique de ça peut être des fluides, de la lumière. C'est vrai qu'on va avoir plusieurs, donc on va avoir par exemple, bah, comme tu l'as dit, le moteur source, donc qui est par Valve, ceux qu'on fait Steam, encore eux, donc pour du coup Half-Life. Tu vas avoir le CryEngine, qui est le moteur donc de Crytek, qui est entre autres Crysis, donc qui ont utilisé le même moteur. Et t'as l'autre qui est aussi très connu, qui est l'Unreal Engine, qui est donc entre autres utilisé par Unreal Tournament, du coup, qui sont actuellement, on va dire, je pense, dans les moteurs qui me viennent à l'esprit, c'est réellement ceux que je me souviens. Alors après, peut-être que Maxime en aura d'autres qui pensent. Ah oui, bah après, donc ça, c'est ceux, on va dire, qui sont. C'est plutôt des moteurs de FPS, ça, quand même. Qui peuvent chercher. Oui, ils cherchent à se diversifier, mais c'est vrai qu'à la base, en fait, en général, les technologies sont développées pour un jeu en tête. Donc, on parlait de Crytek qui, en fait, développait sa technologie pendant qu'il développait le jeu Crysis. Mmh. Epic Games qui travaillait sur à la base c'était les Unreal, mais après il y a eu Unreal Tournament et après la série Gears of War. Après, donc ça c'est les moteurs, on va dire, dont on parle, parce que c'est aussi ceux qui vendent à l'extérieur, c'est-à-dire que eux ils produisent la technologie pour leur jeu en interne, mais pour la vendre aussi. Et après il va y avoir tous les gros studios en fait qui développent leur propre technologie qui reste en interne, donc les Ubisoft qui produit son moteur pour Assassin's Creed, Rockstar qui fait son moteur pour GTA et ainsi de suite. Mais qui effectivement sont pas ouverts à d'autres studios. Voilà, exactement. Autre question, parce que tu parlais, on a parlé d'aide et on a notamment parlé de financement, et en fait on a oublié de parler des aides locales, parce qu'on a beaucoup parlé de la Bretagne par exemple. Est-ce qu'on peut être aidé par nos amis les élus? Maxime, peut-être? Oui, alors ça c'est un sujet un peu compliqué parce que non, il y a le problème de la reconnaissance en fait du jeu vidéo, la vision qu'ont les gens et les générations en fait précédentes aussi. C'est quelque chose qui pourra peut-être évoluer, mais le fait que le jeu vidéo est souvent rattaché plus au numérique et pas au culturel comme le cinéma, ça pose de temps en temps problème, et on est rattaché au CNC, non? Ouais, on est rattaché au CNC. Alors le CNC, Centre National du Cinéma. Ouais, le CNC, c'est c'est plusieurs centaines de millions, je crois, de budget par année. Je crois pour le jeu vidéo, c'est 5 millions. Donc bon, ça donne l'ordre de grandeur en gros des aides. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que de toute façon, là, c'est encore plein d'émissions sur lesquelles on pourrait parler. On y reviendra. Mais en gros, la situation fait que avant les années 2000, en France, il y avait probablement plus de 10 000 emplois directs dans le jeu vidéo. Maintenant, on est peut-être plus entre 2000 et 3000. Donc, il y a eu beaucoup de une grosse diminution d'emplois. Donc, évidemment, l'impact auprès des institutions est moindre. Donc ça c'est quelque chose qui n'aide pas. Il y a le fait que c'est le jeu, créer un jeu vidéo, il y en a plein qui ratent, quoi, enfin qui n'aboutissent pas, donc c'est un risque. Et du coup, c'est des fois difficile d'avoir des aides, on va dire, sur la partie créative. C'est beaucoup plus facile généralement d'avoir des aides sur la partie, on va dire, technique. C'est-à-dire qu'il y a du crédit d'impôt en fait sur l'aspect recherche et développement. Mais ça ne se prête pas forcément justement à des indés qui justement vont se concentrer juste sur créer un jeu et pas du tout des technologies. Et donc non, en fait le gros soutien à la création de jeux vidéo en France au niveau indé, c'est Pôle emploi. Comme la recherche. ce que soufflait Jérôme Larrey lors de l'émission de l'année dernière. Effectivement. Écoutez, merci beaucoup. On arrive tranquillement à une heure de podcast. J'aurais quand même une question à vous poser. Enfin, on en aura plusieurs encore pour terminer, mais j'en ai une qui, pour le coup, est spécifique à ce thème-là. Vous travaillez sur quoi en ce moment comme jeu? Et vous en êtes où? Maxime? Moi, j'en suis un peu loin parce que j'ai pas beaucoup de temps à m'y consacrer. Parce que ouais, voilà, entre le boulot plus justement animer le collectif et des rencontres, ça laisse assez peu de temps. Il y a le problème que justement quand on fait son jeu sur son temps libre, il y a la question de la motivation, clairement, quand le projet commence à prendre du temps. Donc j'ai plusieurs protos parce qu'il y a des idées qui viennent souvent au cours des game jams auxquels je participe, on va dire, de temps en temps. Et donc la grosse problématique, c'est de trouver idéalement, ce qu'il faut, c'est réussir à se bloquer un temps, limite prendre des vacances pour faire son jeu. Ou sinon, en fait, il y en a qui en fait se mettent à mi-temps pour garder, on va dire, une partie rémunération avec son travail régulier, officiel, et pouvoir quand même bloquer du temps pour se concentrer à la création de jeu. Mais moi, j'en suis toujours à l'aspect, on va dire, prototype. Ouais. On a évoqué à plusieurs reprises West Indie Collective pendant cette émission. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, comme tu viens d'en parler? Alors, le West Indie, c'est un collectif qui est né il y a peut-être 4 ans maintenant, quelque chose comme ça, par des gens de Rennes qui s'étaient rencontrés autour de la création de jeux et aussi lors de la Global Game Jam qui se fait en fait c'est le dernier week-end de janvier. C'est à Rennes, c'est 3 Hit Combo qui organise ça au Jardin Moderne. Et donc les gens sont dit bon bah nous on voudrait créer du jeu vidéo et l'idée c'est de bah de se rencontrer régulièrement, d'échanger, de se donner potentiellement des coups de main, de collaborer, donc d'organiser des game jams en plus de la Global Game Jam, aussi de montrer les productions locales lors du Stunfest, qui est le gros festival de jeux vidéo à Rennes. Et l'idée, c'est de soutenir en fait la création de jeux sur Rennes, et idéalement que des gens réussissent à en vivre. Et toi, Florent, sur quoi tu travailles et comment tu améliorerais la définition de West Indies Collective ? Alors déjà, je vais dire comme Maxime, je suis un peu dans le même état que lui, parce que évidemment, j'ai un boulot à côté. Et donc j'ai quelques idées, quelques protos, mais c'est toujours difficile de prendre du temps quand on rentre du boulot dessus, donc on avance, mais c'est plus des pas de fourmis pour le coup. Je suis dans le même état que Maxime de ce côté-là. C'est vrai que quand on n'est pas à 100% sur son jeu, c'est toujours plus compliqué de s'y mettre. Donc c'est vrai que c'est un peu le problème. Et sinon, pour la définition du West Indies, j'ai envie de dire qu'il a quand même bien résumé la chose. C'est vrai qu'on a vraiment cette volonté de montrer que, auprès du grand public, c'est vrai que le jeu vidéo, on entend parler via les grosses productions type Ubisoft, etc. Mais c'est vrai que le côté indé, montrer que c'est la production, c'est aussi à deux pas de chez soi. Quelqu'un qui fait ça sur son temps libre, etc., tout seul, et montrer que la production, elle existe de manière locale, ou même, on va dire, à l'échelle Grand Ouest en général. Et on se rend compte, au Stunfest de l'année dernière, on avait au moins plus d'une trentaine de projets présentés, vraiment de part et d'autre. Alors là, on n'avait pas que des gens du Grand Ouest, on avait aussi quand même des Belges, par exemple, ou des Suisses qui étaient venus aussi présenter leur jeu. Mais ils ont montré qu'on a réellement une diversité, que ce soit dans les types de profils qui font des jeux, mais aussi dans les thématiques ou les types de jeux qu'on peut avoir. On peut avoir des jeux qui sont à la mi-chemin entre l'expérience vidéoludique et le jeu, vraiment le jeu vidéo. On a vraiment un truc vraiment particulier ce côté-là et un peu montrer tout cette diversité, on va dire, dans le jeu vidéo, et que c'est pas juste ce qu'on peut en entendre. Je vais caricaturer encore un peu à la télé. On peut avoir, si on caricature réellement, il y a un machin qui joue à des jeux de foot ou à des jeux où on voit des gens qui tirent, quoi. Et ça. C'est quelque chose qui commence à disparaître comme cliché, encore heureux avec je pense le jeu vidéo qui rentre de plus en plus dans les mœurs, mais on a quand même encore une partie, je pense, de la population actuelle qui a encore ce stéréotype sur le jeu vidéo. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on commence qu'on veut essayer de casser. J'ai une dernière question qui me vient à l'esprit que maintenant, et c'est bien dommage. J'ai vu que Nintendo avait sorti une sorte de jeu Mario où on crée un Mario. Est-ce que vous avez eu le temps de tester chacun de votre côté ? Alors j'ai pas eu le temps de tester. J'ai vu des gens qui ont fait des niveaux, même des niveaux par exemple inaccessibles. Il y a un Français que je connais qui a fait un niveau inaccessible. On ne peut pas avoir en fait l'étoile promise du niveau, mais par contre qui nous chante la chanson du Rickroll de Eric Astley, pour ceux qui connaissent. C'est un outil, encore une fois, qu'on disait, un outil qui n'a pas besoin du coup de code, etc. Ça permet de faire en soi un jeu, hein. C'est un jeu certes avec le moteur de Mario, ça reste un jeu, on peut faire un jeu complètement différent avec ce moteur quand même. C'est quand même, je trouve, assez sympa comme idée. Maxime, est-ce qu'au-delà de permettre de faire un jeu, c'est pas ce genre d'outils comme on a pu voir aussi peut-être certains éditeurs de cartes, même si là il y a quelque chose de qui fait plus appel à la nostalgie, comme tu l'évoquais tout à l'heure, est-ce que c'est pas aussi une façon de sensibiliser les gens à ce que c'est que concevoir du jeu, et justement pas sur la partie technique, mais sur la partie ludique? Oui, alors je suis pas sûr que Nintendo ça soit dans la avec l'arrière-pensée de sensibiliser les gens. Je pense que enfin ça je pense il y a pas forcément une mauvaise idée derrière, mais c'est beaucoup plus général, c'est la mouvance autour de offrir des outils de création et pas de d'être passif dans le jeu. Enfin la figure emblématique c'est Minecraft, où les gens s'approprient le jeu et peuvent le détourner et en faire quelque chose d'autre. Et bon, bah maintenant il y a plein de communautés autour de créer des choses. Bon, il y a eu souvent ça sur PC où il y avait des communautés de modeurs, des choses comme ça. Mais disons que ça s'est vraiment démocratisé. Et il y a ce côté-là ici, c'est-à-dire que l'on essaye de donner un peu de pouvoir, on va dire, créatif aux joueurs et je pense que Nintendo lance ça parce qu'il y a quand même le côté où il voit que c'est un phénomène qui marche et du coup, ben, c'est intéressant d'être là-dessus. Et j'imagine que ça fait un beau laboratoire de recherche et développement pour. Peut-être. Non, mais si, c'est vrai que bon, ça peut permettre pour eux d'avoir des idées, mais enfin, il faut voir que en général les créateurs sont quand même dans leur monde, ils ont une idée en tête et peuvent pas toujours s'imprégner des choses. Bon, s'il y a des choses qui remontent intéressantes, bon, peut-être qu'ils les verront, mais bon, c'est je pense pas que c'est forcément quelque chose, un outil pour influencer les créateurs, on va dire, de l'équipe Nintendo, mais plus un outil à la communauté et dans une mouvance où on essaie de donner plus des outils que des jeux, on va dire, fermés aux joueurs. Merci beaucoup. On va terminer avec notre dernière question traditionnelle. Je commencerai par Florent. Florent, à quoi tu joues en ce moment ? Alors, récemment, on va dire, je vais citer deux jeux, un jeu pas indé du tout et l'autre un jeu indé. Comme ça, on aura vraiment les deux, on va dire, parties du jeu vidéo. En ce moment, du coup, avec les promos sur Steam récemment, j'avais acheté Shadow of Mordor, qui est donc le jeu de l'univers des Seigneurs des Anneaux d'infiltration, que je trouve très sympathique, et qui est vraiment assez sympa. Un autre jeu, du coup, il n'a pas du tout de rapport, c'est Lumosity. Alors là, c'est un petit jeu indé par les créateurs de LUM, L-U-M-E. C'est des gens qui ont fait physiquement un univers, une sorte de ville fait de briques et de brocs. Et après, ils l'ont filmé, en fait, et à partir de ça, ils ont créé un jeu. Donc un jeu vraiment point and click après, mais du coup, qui a vraiment un design très, vraiment particulier, vu que c'est des trucs qui existent, qu'ils ont filmé après. Et ça lui donne une patte graphique qui est vraiment très sympathique. Et c'est vraiment un univers que je trouve vraiment, vraiment sympa à jouer. Et Maxime, du coup ? Eh ben, moi, en fait, je finissais enfin Broken Age, hein, qui est un jeu justement Kickstarter. Et ouais, bon, c'était dans la mouvance. Tu as l'air mitigé. Ouais, mitigé, ouais, ouais. Oui, bon après bon, je veux pas, je pense que c'est quand même sympa comme truc, mais ouais. Bon, et on a quand même parlé quasiment presque à mon grand désespoir, on a parlé que de jeux vidéo ce soir. Souvent on essaye de parler aussi un peu de jeux de société et de jeux de rôle, et il me semble que tu parlais de jeux de société et du fait que vous vous retrouviez de temps en temps dans un bar à jeux. Alors en jeu de société en ce moment, c'est quoi ton truc? En ce moment, pas du tout. Pas du tout. Bon. Désolé. Non, mais par contre, quand est-ce qu'on peut, pour les gens qui nous écoutent, où est-ce qu'ils peuvent rencontrer l'équipe de West Indie Collective, peut-être s'ils ont des projets Alors, ça va être soit dans les locaux d'Active Design le mardi soir. Alors, pour ceux qui. Le plus simple en général, c'est d'aller sur le forum. En fait, il y a un forum West Indie Collective, donc c'est forum.westindiecollective.org. Et en fait, on annonce les rencontres du mardi soir, donc qui sont à Active Design. Généralement, on essaie de trouver un thème de discussion. Et sinon, c'est de venir passer prendre l'apéro à l'heure du jeu, donc le bar dans le centre-ville de Rennes, qui est un bar de jeux de société. Donc voilà, n'hésitez pas. Le mercredi soir. Voilà, le mercredi soir, n'hésitez pas à aller là, ou alors sinon, bah, à prendre contact avec, avec 3Hit Combo, donc 3HitCombo.fr, je crois, parce que, bah, il va y avoir des choses, qui vont se développer sur l'initiation à la fabrication de jeux. Je n'en dis pas plus parce que bah, c'est moi qui est derrière tout ça. On va du coup clôturer ce premier numéro qui n'aura pas été sans heurts techniques, mais on y est arrivé. Vous avez probablement entendu les chats qui se promènent aussi dans les environs. On a décidé cette année d'enregistrer avec du public. En tout cas, on se retrouve dans 15 jours avec un nouveau numéro. On parlera de choses différentes, mais ce sera toujours du jeu. Ce sera toujours avec nous et ce sera toujours avec plaisir.